Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être que toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton salon et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. C'est notre deuxième jour où vous avez un programme à 5 heures, le programme pour la francophonie, pour que vous aussi vous vous prépariez pour cette venue du Seigneur. Et voilà encore une occasion de revoir, de recevoir le bon pain frais des cieux, la manne du Seigneur. Nous avons vu hier la première partie du message sur le Saint-Esprit et nous allons voir encore la suite de ce message. Où le Saint-Esprit intervient, où le Saint-Esprit est parmi nous. Aujourd'hui, nous allons écouter la suite de ce long message. Et demain, à la même heure, vous pourrez en entendre une autre partie. Ayons un moment d'adoration et ensuite nous écouterons ce merveilleux message sur le rôle du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà le chant d'adoration que nous allons entendre. Béni soit le nom du Seigneur. Chaque jour je chanterai. Je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'il soit béni. Maintenant, préparons-nous. Sortez vos Bibles. Arrêtez-vous parce que on a besoin d'une écoute attentive pour vraiment recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, écoutons ce message merveilleux sur le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. Le quatrième rôle du Saint-Esprit, dans le même Jean 14, verset 27, vous pouvez le voir. Verset 27, il dit, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled.

dans l'Église. Il est celui qui enseigne l'Église. And then he says, the Holy Spirit, another function. Et ensuite il dit, le Saint-Esprit, une autre fonction. He's the one who reveals God to the church. Et celui qui révèle Dieu à l'Église. Like in John 1:33, revealed Christ the Messiah. Comme dans Jean 1:33, il a révélé Christ le Messie. We see also here that he reveals the Lord Jesus to the church. Nous voyons aussi ici qu'il révèle le Seigneur Jésus à l'Église. At this point in time, he is going to reveal who Jesus is. À ce point du temps, il va révéler qui est Jésus. He is going to reveal the holiness of the Christ. Il va révéler la sainteté de Christ. The holiness of Jesus. La sainteté de Jésus. He is going to reveal to the church, in other words, he was saying, as he leaves, the Holy Spirit will reveal more and more of Christ to the church. Il va révéler à l'Église. En d'autres termes, il disait, comme il quitte, le Saint-Esprit révélera de plus en plus de Christ à l'Église. That the followers of Christ, that the nations of the earth may follow Christ and may follow him rightfully, obediently, in the right manner. Pour que les disciples de Christ, les nations de la terre, puissent suivre Christ et puissent le suivre droitement, dans l'obéissance, d'une manière juste. So, in order to reveal God to the church, afin donc de révéler Dieu à l'Église, the Holy Spirit normally works in the heart, in the hearts of men. Le Saint-Esprit travaille normalement dans le cœur des hommes. And there in the hearts of men, you work on your belief that you may believe. He works on your belief. Et là, dans le cœur des hommes, il travaille sur votre croyance. Pour que vous puissiez croire, il travaille sur votre croyance. That is how the Holy Spirit reveals God to the church. He works on your belief. C'est comme ça que le Saint-Esprit révèle Dieu à l'Église. Il travaille sur votre croyance. That you may believe Christ Jesus as Lord and Savior. Que vous puissiez croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. And that God the Father in heaven is one God. Et que Dieu le Père dans les cieux est un Dieu. In triunity. En trois unités. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit himself, the one that you see on that January 1st, 2009, came and lighted on me, he that speaks with you today. Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit lui-même, celui que vous avez vu en ce 1er janvier 2009, venir éclairer sur moi, celui qui parle avec vous aujourd'hui. And remember, that only happened to the Messiah. Et souvenez-vous, ceci est seulement arrivé au Messie. Has not happened since eternity. It will never happen until eternity to anybody else. N'est pas arrivé depuis l'éternité et n'arrivera jamais jusqu'à l'éternité à personne d'autre. Only happened to the Messiah and he that speaks with you. Est arrivé seulement au Messie et à celui qui parle avec vous. Only these two, by God's design. Seulement à ces deux, par le design de Dieu. Also to identify them again. Aussi pour les identifier à nouveau. So that role of revealing, the Holy Spirit is the revealer. He reveals the agenda of God. Aussi ce rôle de révéler, le Saint-Esprit est celui qui révèle. Il révèle le plan de Dieu. He reveals the missions of God. So he reveals the Christ, and this time around, he has revealed the one that speaks with you here. Il révèle les missions de Dieu. Il révèle donc le Christ. Et cette fois, il a révélé celui qui parle avec vous ici. That finally he has come. Que finalement, il est venu. So, but look at this now. Mais voyez donc ça maintenant. For the Holy Spirit to reveal, to do his duty, the teaching job. Pour le Saint-Esprit, révéler, faire son travail, l'œuvre d'enseignement. in the church, dans l'église, that we see in John chapter 14, verse 26, to reveal more and more of Christ to the church. Que vous voyez dans Jean chapitre 14, révéler de plus en plus de Christ à l'église. After the Messiah has left and is seated on the right hand side of the Father. Après que le Messie est quitté et il est assis à la droite du Père. Then the Holy Spirit, like I said, works in the heart. Ensuite, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, travaille dans le cœur. His work is centered in the heart, nowhere else. Son travail est centré dans le cœur, nulle part ailleurs. In the hearts of men. Dans le cœur de l'homme. I know that he that speaks with you operates with him and brings judgment to the nations. Je sais que celui qui parle avec vous travaille avec lui et amène un jugement aux nations. Brings his judgment to the nations. I've told you many times. Amène son jugement aux nations. Je vous l'ai dit bien des fois. That at one time, many times, actually not once. Qu'une fois, bien des fois vraiment, non pas une. He comes, the white, glorious, huge, like a dove. Il vient, blanc, glorieux, énorme, comme une colombe. Comes all the way from heaven. But if you look at his feet, il vient tout le chemin des cieux. Mais si vous regardez ses pieds, he is carrying a cup, a white, glorious cup that's full. Il porte une coupe. Une coupe blanche et glorieuse, pleine. Normally comes up to close some few kilometers above the earth, then he pours that cup. Normalement, il vient à quelques kilomètres au-dessus de la terre, ensuite il verse cette coupe. So he also has another role to execute judgment. Il a donc aussi un autre rôle, exécuter les jugements. And I don't want to share that now. Je ne désire pas partager cela maintenant. Because right now we are in this moment when his role is to prepare the bride. Parce que juste maintenant nous sommes à ce moment où son rôle est de préparer l'épouse. And so the teaching job of the Holy Spirit to reveal more and more of Christ to the church. Et donc le travail d'enseignement du Saint-Esprit est de révéler de plus en plus Christ à l'église. In other words, reveal God to the church. En d'autres termes, révéler Dieu à l'église. He works on the belief of the church. Il travaille sur la croyance de l'église. Then after that, he works on the faith. Et après cela, il travaille sur la foi. It makes you now have faith. It makes you believe and then have faith. Il fait maintenant que vous ayez la foi. Il vous fait croire et ensuite avoir la foi. Faith in the church. La foi dans l'église. That is the way he reveals more and more of Christ. C'est la manière dont il révèle de plus en plus Christ. That he may now affect your belief. Pour qu'il puisse maintenant toucher votre croyance. And affect your faith. Et atteindre votre foi. Obedience. Toucher votre obéissance. To Christ Jesus. À Jésus Christ. And the laws he left here, love one another, the commission he gave. Et la loi qu'il vous a laissée, de nous aimer les uns les autres, la mission qu'il a donnée. That you may obey him when he says, be holy. Que vous puissiez lui obéir quand il dit, soyez saints. For without holiness, nobody will see the Lord. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. So that you may obey. Que vous puissiez donc obéir. Again, he affects their belief. Encore, il touche la croyance. That you may believe. Pour que vous puissiez croire. And then after that, he increases your faith. Et ensuite, après cela, il augmente votre foi. He affects your faith, the faith of the church, the faith of the believer. Il affecte votre foi, la foi de l'église, la foi des croyants. The third thing he teaches, the third way he does his teaching. Ministry. La troisième chose, il enseigne. La troisième manière qu'il a d'accomplir son ministère d'enseignement est que maintenant, il atteint l'obéissance. Une fois que vous avez la foi, then there are things to obey. Ensuite, il y a les choses auxquelles obéir. There are rules that govern the grace of faith, this grace of faith we have. Il y a des règles qui gouvernent la grâce de la foi, cette grâce de la foi que nous avons. This grace that we have. Cette grâce que nous avons. Then obedience, that you may obey, that you may be righteous, that you may be holy, that you may shun sin. Et l'obéissance, que vous puissiez obéir, que vous puissiez être juste, que vous puissiez être saint, que vous puissiez fuir le péché. And the fourth thing he does, he affects holiness. Et la quatrième chose qu'il fait, il atteint maintenant la sainteté. He draws your heart closer to holiness. Why? Il rapproche votre cœur plus près de la sainteté. Pourquoi? Because he reveals to you that look, Christ the Messiah is holy. Parce qu'il vous révèle, voyez, Christ le Messie est saint. Look, God the Father who sent him is very holy. He is holy. Voyez, Dieu le Père qui l'a envoyé est très saint. Il est saint. Christ is very holy. He is holy. Christ est très saint. Il est saint. And he said, look, the Holy Spirit is very holy. He is holy. Et il dit, regardez, le Saint-Esprit est très saint. Il est saint. So he affects the holiness of the church. Aussi, il atteint la sainteté de l'Église. He teaches the church belief. He teaches faith. He teaches obedience. Il enseigne à l'Église la croyance. Il enseigne la foi. Il enseigne l'obéissance. And now we see that he affects also holiness of the church. Et maintenant, nous voyons qu'il atteint aussi la sainteté de l'Église. You see the ultimate. He's coming to the ultimate. Vous voyez l'ultime, venant à l'ultime. He affects the righteousness of the church. Il a un effet sur la justice de l'Église. And when you read the book of John, chapter 16, lorsque vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 16, John 16, Jean 16, verse 8, you see another role of the Holy Spirit, which is, I think, the fifth or the sixth role, if you're making notes. Verset 8, vous voyez un autre rôle du Saint-Esprit, ce qui est, je pense, le sixième rôle, si vous prenez des notes. John, chapter 16, verse 8, he says, Jean, chapitre 16, verset 8, il dit, when he comes, again, he says, when he comes, quand il vient, à nouveau, il dit, quand il vient, he will prove the world to be in the wrong about sin. Il prouvera au monde d'être faux à propos du péché. And righteousness and judgment. Et de la justice et du jugement. Again, verse 8 of the book of John 16, he says. À nouveau, le verset 8 de l'évangile de Jean 16, il dit, again, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Three things. À nouveau, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Trois choses. Verse 9, he says about sin because people do not believe in me. Verset 9, il dit de péché parce que les gens ne croient pas en moi. Number 10, he says about righteousness because I am going to the Father where you can see me no longer. Au numéro 10, il dit, de justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus. Number 11, about judgment, because the prince of this world now stands judged, stands condemned. Numéro 11, de jugement, parce que le prince de ce monde est d'ores et déjà condamné. And so now, your seventh role or so. Vous voyez maintenant, le septième rôle, ou ainsi, you see the Holy Spirit coming as a counselor. Vous voyez le Saint-Esprit venir comme conseiller. He now comes as a counselor. Il vient maintenant comme conseiller. And he does convict of sin. Et il convainc de péché. Now he convicts man of sin, which is very powerful. Maintenant, il convainc l'homme de péché, ce qui est très puissant. How does he do so? He makes, and I'm going to focus on this tonight. Comment le fait-il? Il fait, et je vais me concentrer là-dessus ce soir. Once I go through some of the other roles of the Holy Spirit. Une fois que j'aurai été à travers d'autres rôles du Saint-Esprit. I'm going to come back and focus on John chapter 16. Je m'en vais revenir et me concentrer sur Jean chapitre 16. on the Holy Spirit, the counselor. The Holy Spirit, he is convicting ministry. Sur le Saint-Esprit, le conseiller, son ministère de conviction. How he convicts man of sin. Comment il convainc l'homme de péché. And you will see when we come back to this. Et vous verrez quand nous reviendrons à ceci. When we get deeper, you see that the purpose of convicting man to sin. Quand nous allons profondément, vous voyez cela. Le but de convaincre l'homme de péché, he does it by making you aware of sin. Il le fait en vous rendant conscient du péché. Il amène la grande conscience, son ministère, in convicting the church, convicting man of sin. En convaincant l'Église, en convaincant l'homme de péché, is to bring a greater awareness of sin. C'est d'amener une plus grande conscience de péché. That you may know that this is sin. Que vous puissiez savoir que ça, c'est du péché. And this other side is righteous. Et cet autre côté, c'est la justice. This is sin and wicked. This other side is righteous and holy. Ceci est péché et méchant. Cet autre côté est juste et saint. And then in the process, his objective is to lead mankind to repentance. Et ensuite, dans le processus, son objectif est de conduire le genre humain à la repentance. We are going to see that shortly because this is the role that I'm going to go deeper on tonight. Nous allons voir cela rapidement parce que c'est le rôle que je vais amener plus profondément ce soir. I'm going to teach a little deeper now. Je m'en vais enseigner un peu plus profondément maintenant. On the role of the Holy Spirit in convicting man of sin. Sur le rôle du Saint-Esprit de convaincre l'homme de péché. Now, other roles of the Holy Spirit, Romans chapter 8, verse 26. Maintenant, un autre rôle du Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 26. Before we come back to conviction, to sin, Romans chapter 8, it says, Romans 8, verse 26. Avant que nous revenions à la conviction de péché, Romains, chapitre 8, il dit, Romains 8, verset 26. Once you get Romans 8, then you go down to 26. Let's see what it says. Quand vous avez Romains 8, vous allez plus bas à 26, c'est ce qu'il dit. It says here, verse 26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. You see that now. Il dit ici, au verset 26, de la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez ça maintenant? Again, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. À nouveau, de la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. Nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Verse 27 says, and he searches, and he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Verset 27, il dit, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car l'Esprit intercède pour le peuple de Dieu en accord avec la volonté de Dieu. And so, this is, in other words, you may take this as a separate role of the Holy Spirit, or you may combine this with the sensitization. Et aussi, cela, en d'autres termes, vous pouvez le prendre comme un rôle séparé du Saint-Esprit où vous pouvez le combiner avec la sensibilisation. With this convicting of sin. Avec cette conviction de péché. It says, it makes the church sensitive to sin. Il dit, il rend l'Église sensible au péché. So that they may stop sinning and repent. Aussi, ils peuvent arrêter de pécher et se repentir. And if you read Galatians chapter 5, si vous lisez les Galates au chapitre 5, 16-23, it says, He brings fruits to the church, the fruits of the Spirit. 16 à 23, il dit, il amène du fruit à l'église, le fruit de l'esprit. I'm just running through for now because I want to come back. Je passe juste à travers maintenant parce que je désire revenir. And really narrow in on this ministry of the Holy Spirit that we've seen. Et vraiment m'arrêter sur ce ministère du Saint-Esprit que nous avons vu. About leading people to repentance, conviction of sin. À propos de diriger les gens vers la repentance, à la conviction de péché. So the Holy Spirit now, according to Galatians 5. Donc le Saint-Esprit maintenant, selon Galates 5. Which we'll read next time. You see that. Que nous lirons la prochaine fois. Vous voyez que. He brings gifts to the church. He himself is the greatest gift. Il amène des dons à l'Église. Lui, lui-même, est le plus grand don. That Christ the Messiah talked about all the time. Christ le Messie parle à propos de lui tout le temps. During his public ministry here on the earth. Pendant son ministère public ici sur terre. And so now you see. Et aussi maintenant, vous voyez. That he is the greatest gift to the church. My Father will send you the gift. Qu'il est le plus grand cadeau à l'Église. Mon Père vous enverra le don. He is the greatest gift ever to be received. Il est le plus grand cadeau que jamais à recevoir. And he works on the hearts of men, all mankind. Et il travaille dans le cœur de l'homme, tout le genre humain. And then, if you read 2 Thessalonians chapter 2, verse 4 on. Et ensuite, si vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4 et suivant. You see that he also has another ministry. He has another duty to restrain the dominion of darkness. Vous voyez qu'il a aussi un autre ministère. Il a un autre ministère, retenir la domination des ténèbres. And so he is the helper. He seals the believer for eternal life. That's another function. Et donc, il est l'aide. Il scelle les croyants pour la vie éternelle. C'est une autre fonction. He reveals the truth. Il révèle la vérité. And so forth, and so forth, and so forth. Many other functions. Et encore, et encore, et encore. Beaucoup d'autres fonctions. That the Holy Spirit, the advisor, the aid, the helper. Le Saint-Esprit, le conseiller, l'aide. Our teacher, the tutor, the instructor, our coach, what he does. Notre enseignant. Le tuteur, l'instructeur, notre coach, ce qu'il fait. But tonight I want to really narrow down on this role on how the Holy Spirit comes to do the ministry, his ministry of convicting mankind of sin. Mais ce soir, je désire vraiment me fixer sur ce rôle de comment le Saint-Esprit vient pour remplir le ministère de convaincre le genre humain de pécher. Thank you, the Lord bless you. The Messiah is coming. Let us prepare the way. Merci, le Seigneur vous bénisse. Le Messie vient. Préparons le chemin. Let us be holy and righteous. Let us receive the Holy Spirit. May the Lord bless you. Thank you. Amen. Soyons saints et justes. Recevons le Saint-Esprit. Puisse le Seigneur vous bénir. Merci. Amen. Convaincu de péché et à se repentir. Vous avez vu ce rôle du Saint-Esprit de convaincre de péché. Un rôle pour le monde. Il convainc le monde de péché, mais aussi l'Église, aussi chacun de nous. C'est si facile de voir le péché de l'autre. Mais le Saint-Esprit, lui, son rôle est, parmi tous les autres, celui de nous convaincre de péché. Combien nous avons besoin de cette conviction-là pour que nous puissions arriver à la repentance. Nous avons besoin d'être convaincus de péché. Et ce qui est merveilleux aussi, il travaille pour des choses positives. C'est par le Saint-Esprit qu'il travaille dans nos cœurs pour que nous croyions, pour que nous croyions à la sainteté de Jésus, pour que nous soyons saints, que nous soyons capables de suivre Jésus, de suivre Christ de la bonne manière, avec l'enseignement du Saint-Esprit, qu'il nous amène sur le droit chemin. Et il révèle Dieu à l'Église. Parce que si nous restons charnels, comment est-ce que nous pouvons comprendre le spirituel ? Nous avons besoin du Saint-Esprit qui transforme nos vies, qui révèle Dieu à l'Église, qui révèle le Seigneur Jésus à l'Église. Il l'a identifié aussi, le Seigneur Jésus, sur terre. Il travaille pour que nous puissions croire Jésus-Christ, que nous puissions le voir comme Seigneur et Sauveur. Et pour nous faire découvrir le Dieu en trois unités, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il se révèle et quelquefois il apparaît à l'homme de Dieu, au prophète le plus puissant du Seigneur, sous la forme d'une énorme colombe blanche et glorieuse. Et même que cette colombe est apparue une fois sur le prophète, comme cela a été le jour du baptême de Jésus. Et c'est seulement sur ces deux personnes que le Saint-Esprit est descendu, comme ça, sous la forme d'une colombe. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, intercède pour le peuple de Dieu. Combien c'est précieux de savoir que le Saint-Esprit intercède pour le peuple de Dieu. Il rend l'Église sensible au péché. Voilà cette conviction, que nous sachions, là, je pêche. Et Jésus lui-même a parlé beaucoup du Saint-Esprit. Et c'est le plus grand cadeau, c'est le plus grand don que nous puissions recevoir, le Saint-Esprit en nous. Et il retient, vous voyez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on voit que le Saint-Esprit retient les forces du mal. Ils ne peuvent pas agir pleinement parce que le Saint-Esprit les retient. Et le Saint-Esprit révèle la vérité. Il aide, il facilite l'Église. Il n'est pas là pour nous humilier, mais pour nous faciliter, pour nous aider, pour nous amener dans ce royaume merveilleux. Mais pour cela, il faut que nous acceptions l'obéissance parfaite, que nous restions soumis à ce Saint-Esprit. Adorons un moment et, si vous le voulez, si le Seigneur vous parle, parce que même cela, nous ne pouvons pas donner notre vie au Seigneur si le Saint-Esprit ne nous amène pas à le faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour venir au Seigneur. Et alors, s'il parle à votre cœur, priez avec moi. Mais d'abord, nous allons avoir un moment d'adoration et ensuite, vous pourrez prier avec moi pour recevoir le Seigneur. Adorons le Seigneur en parlant du Saint-Esprit. Oui, nous voulons être un

pour tous mes péchés. Les péchés sexuels, les mensonges. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le précieux nom de Jésus, aujourd'hui, je suis né de nouveau, né de Dieu. Merci Seigneur, merci de nous amener près de toi, de nous faire passer de la vie à la mort. Nous te bénissons Seigneur. Amen. Et surtout, si vous ne l'avez pas fait, recevez ce baptême d'eau. Ça veut dire que on vous plonge complètement dans l'eau pour signifier que vous laissez votre ancienne vie, vous laissez votre vie charnelle, et quand vous ressortez, c'est pour ressusciter avec Christ en nouveauté de vie, en homme ou femme, ou même enfant nouveau. Que le Seigneur vous bénisse, et surtout n'oubliez pas de réserver ce 28 juillet, ce jour extraordinaire où le Seigneur va nous parler dans le parc de Nairobi, ce parc national, et si vous avez la possibilité de venir, c'est une grande joie de vous recevoir, mais vous aurez aussi la possibilité de suivre cela par cette radio ou même par vidéo. Et quelqu'un va traduire certainement, soit en Côte d'Ivoire, soit au Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse, je suis pasteur Yvonne Auguet. Le chant pour se consacrer au Seigneur. Mon ami perdu, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton salon et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur.